Embargo militaire. Israël, casse-toi. Israël, casse-toi. La Palestine n'est pas à toi. La Palestine n'est pas à toi. Israël, casse-toi. Israël, casse-toi. Le Liban n'est pas à toi. Le Liban n'est pas à toi. Israël, casse-toi. Israël, casse-toi. La Palestine n'est pas à toi. La Palestine n'est pas à toi. Israël, casse-toi. Israël, casse-toi. Le Liban n'est pas à toi. Le Liban n'est pas à toi. Gaza n'est pas à toi. Israël, casse-toi. Israël, casse-toi. La Palestine n'est pas à toi. La Palestine n'est pas à toi. Sans solidarité avec le peuple palestinien. Sans solidarité avec le peuple libanais. Sans solidarité avec le peuple de Palestine. Solidarité avec le peuple libanais. Solidarité avec le peuple palestinien. Solidarité avec le peuple libanais. Solidarité avec le peuple palestinien. Solidarité avec le peuple libanais. Sans solidarité avec le peuple de Palestine. Sans solidarité avec le peuple libanais. Sans Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Palestine. Free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free, free, free Palestine. Your hands are bloody too!